Alors, bonsoir et bienvenue à Web Music. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Encore une fois, j'ai parcouru le web pour vous, pour trouver plein de bonnes musiques gratuites. Ce soir, on va s'attarder à deux étiquettes. On va débuter avec Comfort Stand Recording, une étiquette qui vient des Pays-Bas, je crois, qui a fermé boutique le 1er avril 2006. Et non, c'était pas un poisson d'avril. Ils ont vraiment fermé boutique, mais ils ont plus de quand même 80 albums qui sont toujours disponibles gratuitement. Ils ont des singles aussi. Donc, c'est une étiquette que je vous invite à aller faire un petit tour. Pour ça, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous allez avoir les liens vers les artistes. Vous allez pouvoir télécharger les pièces. Donc, on débute avec Tipsy, la pièce Kitty's Daydream. C'est un long air mix. Tipsy qui nous vient de San Francisco. Ça va être suivi par le Montréalais qui s'appelle Otis Fodder. Sa pièce s'appelle Brilliant Pillows. Puis ensuite, on va entendre Mr. Melvis qui vient de Oxford dans l'Ohio. Donc, on va entendre la pièce A Walk Through the Powerhouse. Ces trois pièces-là se retrouvent sur une compilation vraiment géniale qui s'appelle Two Zombies Later, Strange and Unusual Music from the Exotica Mailing List. Donc, c'est une compilation qui vient à partir d'une une liste de diffusion par courriel d'albums vinyles assez rares. Donc, c'est une compilation de musique qui est réinterprétée par les artistes de Comfort Stand Recording. Pour tout de suite, on entend Tipsy, la pièce Kitty's Daydream. You know, not all of the music of today is like this. Some of it is like this. Thank you. Proceed with the operation. Roger. 30 seconds. Position 42 north, 58 minutes. 59 minutes, 43 north. Locking and lock. Decelerating. Full gravity. Low. Mr. Melvis, la pièce A Walk Through the Powerhouse. Avant ça, c'était Otis Fodder avec sa pièce Brilliant Pillows. Puis enfin, on avait débuté avec Tipsy, la pièce Kitty's Daydream. C'est trois pièces sur la compilation Two Zombies Later, Strange and Unusual Music from the Exotica Mailing List. Donc, on va poursuivre avec une autre compilation qui est sur l'étiquette Comfort Stand Recordings. La compilation s'appelle Comfort Cake. C'est un genre d'album anniversaire que la, le label a lancé. Je vais débuter avec Martini Bomb, la pièce Dizzy Key Peachy. C'est un Martini Bomb, un groupe, plutôt un artiste qui vient de Portland. Puis enfin, on va entendre Full Load of King. C'est un autre artiste qui vient de l'Ohio. Sa pièce s'appelle Ride a Wave to Uranus. Donc, on débute tout de suite avec Martini Bomb, la pièce Dizzy Key Peachy. peu de surf apocalyptique. C'était la pièce Ride the Wave to Uranus. Le groupe s'appelle Full Load of King, un groupe de la ville de Stowe en Ohio. Avant ça, c'était Martini Bomb avec la pièce Dizzy Keep Itchy, un groupe plutôt un artiste de Portland. Deux pièces qui sont sur la compilation Comfort Cake, toujours sur l'étiquette Comfort Stan Recordings. On poursuit avec une autre compilation sur la même étiquette, une compilation qui s'appelle Swinging Singles. On va attendre tout d'abord encore un peu de surf rock, un groupe de la Russie qui s'appelle Messer Chops. Je vous fais entendre la pièce Devil Exit from Fashion. Puis ensuite de ça, ça va être 41, un artiste de la Pennsylvanie. Je vous fais entendre sa pièce Comfort Stan Records Remix Project Song 2. Donc c'est un remix de différents artistes qui sont sur l'étiquette Comfort Stan Recordings. Pour tout de suite, Messer Chops, la pièce Devil Exit from Fashion.

J'adore vraiment ce net label-là. Donc, j'ai téléchargé tout leur catalogue. C'est pas beaucoup. Ils ont quand même seulement 6 albums. Mais ça semble être un label qui démarre puis qui va avoir beaucoup d'autres albums. Ils ont aussi des vidéos. Ils font un podcast. Donc, c'est un label vraiment à surveiller. Je vais vous faire entendre pour débuter Transient, la pièce Bright Expressing Time 2008 Remix. Transient qui nous vient de New York, ou plutôt de la ville de Gloverville, dans l'état de New York. Puis enfin, je vous fais entendre un artiste qui vient de Helsinki, de la Finlande. L'artiste s'appelle Jury. Sa pièce s'appelle Thought It Was Love. Donc pour tout de suite, Transient avec Bright Expressing Time 2008 Remix. Got a notion to put my butt in motion. Thank you.

pièce pas mal tranquille de Craig, un artiste qui vient de la Belgique. C'était la pièce Kamer. Je vous ai mis une vidéo sur le blog de l'émission. Une vidéo assez étrange en noir et blanc. Vous irez voir ça, ça vaut la peine. Avant ça, c'était un artiste finlandais du nom de Jury. Sa pièce s'appelait Thought It Was Love. Puis on avait débuté avec Transient, la pièce Bright Expressing Time 2008 Remix. Un artiste qui nous vient de la ville de Gloverville, dans l'état de New York. On poursuit avec d'autres artistes qui sont sur l'étiquette Phantom, une étiquette des Pays-Bas. Une étiquette qui donne dans le cinématique free jazz des atmosphères assez spéciales. On poursuit donc avec un artiste des Pays-Bas qui s'appelle Marties. Je vous fais entendre la pièce Goodaloose, une pièce quand même assez courte qui dure un petit 2 minutes. Puis ensuite de ça, on va entendre encore une autre pièce de Craig, la pièce Taigeta, un artiste belge. Ça vient de l'album, et mon Dieu, je me souviens pas du nom de l'album, mais c'est vraiment... Mais vraiment bon comme album. Je vous invite à le télécharger. C'est vraiment ma découverte de la semaine, c'est cet album-là. Il y a vraiment des ambiances, un peu de film noir. C'est vraiment intéressant. Puis, enfin, je vais vous revenir après cette pièce-là. Donc, pour tout de suite, Marty's, la pièce Goodaloose. Une pièce parfaite pour un film noir, c'était Craig, la pièce Taigeta, un artiste de la Belgique sur l'étiquette Phantom, une étiquette des Pays-Bas. C'est déjà tout pour Web Musique. Je vais vous faire passer une dernière pièce, mais avant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous avez entendues à l'émission. Pour ça, ben, vous vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous allez avoir les liens vers les artistes et vers les labels aussi. C'est, l'émission, c'est presque, on va dire, 80%. Le reste, il faut vraiment consulter le site pour avoir accès à toute l'information. Donc, je vous laisse sur une pièce qui est encore sur l'étiquette Phantom. C'est un collectif, cette fois-ci, c'est les artistes sur l'étiquette qui font des pièces. Donc, je vous fais entendre la pièce Phantom Session 1. Puis je vous souhaite une belle semaine. Les Nuits en musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Marcoux.